En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers convives, et selon la tradition de Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 11e épisode. Samedi 29 mars. Consultation au cabinet médical. Bonjour, vous êtes bien au cabinet médical de Plaix. Le docteur Saxe consulte tous les jours le matin sans rendez-vous de 10h à midi, l'après-midi sur rendez-vous jusqu'à 18h. Nous sommes fermés le jeudi. Pour les visites dans la journée, merci d'appeler si possible avant 10h. Allô docteur, c'est la gendarmerie de la vallée, excusez-moi de vous déranger. Il y a 2 nuits, vous étiez de garde je crois. Est-ce que par hasard vous auriez soigné un blessé par balle? Oui, je sais que vous êtes tenu au secret et j'ai beau répéter ça à mes supérieurs, ils insistent pour qu'on vous téléphone quand même. Remarquez ici, vos collègues et vous me dites jamais rien. Mais je me souviens, un jour j'étais en poste dans le sud, un médecin m'a répondu « Oui, j'ai vu un type suspect hier, il avait reçu un coup de couteau, il m'avait demandé de le recoudre et ça m'a paru louche, alors maintenant que vous me le dites, ça m'étonne pas, il a pas payé. » Et il m'a donné le nom et l'adresse. Bon, ça avait pas dû lui plaire d'être dérangé à 3h du mat'. Eh ben, vous me croirez, si vous voulez, le type en question, quand on est allé l'arrêter, c'était un règlement de compte, il avait poignardé le garçon qui avait violé sa sœur, il a demandé à son avocat d'attaquer le médecin pour violation du secret professionnel. Et lui, bien sûr, il a été incarcéré, mais son procès contre le médecin, il l'a gagné quand même. Allez, au revoir, monsieur le médecin. En revenant de la boulangerie, je vois de loin une dame entrer en poussant un vélo dans la cour du cabinet médical. Il pleut, je regarde l'heure, je presse le pas. C'est bien ce que je pensais. Les volets du bureau et la porte de la salle d'attente sont encore clos. Dans la cour, il y a déjà plusieurs voitures et des gens debout. Ils me regardent passer sur ma bicyclette. J'aurais dû emporter la clé. Depuis quelques mois, tu as beaucoup plus de travail. Le samedi matin, comme je ne travaille pas, ça pose des problèmes. Ce matin, tu as sûrement été appelé en visite et tu n'as pas eu le temps de venir ouvrir la salle d'attente. Je t'ai pourtant dit à plusieurs reprises que tu pouvais m'appeler et me passer les appels si tu devais t'absenter, mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me déranger. Seulement, c'est plus fort que moi. Je n'aime pas voir les malades attendre dehors, et sous la pluie en plus. Je rentre à la maison, je pose mon pain dans l'entrée, je prends la clé du cabinet médical et je retourne ouvrir. Quand j'arrive, il y a 7 ou 8 patients à la porte et 2 ou 3 dans leur voiture. Il ne pleut plus beaucoup. 2 enfants sautent dans des flaques d'eau. En me voyant arriver, tout le monde sourit et me salue. Au mur, la pendule assiette affiche 10h-5. Les patients s'installent, les pieds des chaises grincent sur le sol, les enfants trépignent, les imperméables dégoulinent sur le carrelage. Tu as encore une longue matinée devant toi. Bonjour, monsieur Guénaud. Bonjour, monsieur. Docteur. Comment va? Ben, c'est pour ma prothrombine. Comme tous les mois. Ça a remonté depuis la dernière fois. Ah ouais, voyons voir. 36%. La dernière fois, vous aviez 31%. C'est bien. Entre 25 et 35%, il n'y a pas de problème. Bon. Ben, faut peut-être que vous m'ausculquiez. Je me déshabille? Je vous en prie. J'enlève aussi les chaussettes. Si vous voulez. Je m'allonge. Je vous en prie. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Oh bah, Pas grand-chose, mais j'ai plus de sirop. Faudra m'en remarquer, on sait jamais. Hein. Allez, faudrait que j'aie mon rappel de tétanos. Je vais vous le marquer, on vous le fera le mois prochain. 13,8, c'est bien. La dernière fois, j'avais 14. C'est pareil, ça reste normal. Et votre femme, elle va bien? Ça se maintient. On rajeunit pas, vous savez. N'en parlez pas. Asseyez-vous au bord du lit. Parfait. Alors, la bête n'est pas encore prête à crever? Loin de là. D'ailleurs, vous m'avez l'air en pleine forme. Faut pas se plaindre, on se maintient. Hey, à 70 ans, c'est plus comme à 20. Hein. Dame, il faut se soigner. Venez par ici, qu'on vous pèse. J'ai perdu? Non, ça n'a pas bougé depuis l'autre fois. Je vous rhabille? Vous oubliez pas de mettre à domicile, hein, parce qu'autrement, on n'est pas remboursé. Dans la valise, je vérifie que les boîtes en plastique contiennent suffisamment de seringues à usage unique, d'aiguilles à injection, de fils de suture, de lames de scalpel. Je remplace les boîtes de médicaments vides ou entamés par des boîtes pleines, pour que tu n'en manques jamais. La valise contient aussi des compresses, du sparadrap, des ciseaux, des tubes de différentes tailles pour faire des pansements de doigts, des gants stériles, des produits désinfectants, un bidon hermétique pour les aiguilles usagées et une sorte de bouteille en plastique transparent percée d'un trou à chaque bout et qui sert à faire prendre leur pulvérisation aux asthmatiques. Tu en vois beaucoup des asthmatiques. Il faut dire qu'il fait très humide par ici, à cause de la tourmente. Les gens louent des petits jardins en bord de rivière, et puis ils construisent des abris, qui d'année en année deviennent des cabanons, puis de vraies petites maisons, et au bout de 10-15 ans, ils viennent y passer tous les mois d'août avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Parfois ils le prêtent ou le louent à un couple de jeunes qui attendent de trouver un logement, mais l'hiver ce n'est pas très sain. Et on t'appelle la nuit pour des bébés qui toussent dans des pièces mal chauffées, aux murs couverts de moisissures, et je t'entends grommeler le matin contre ses parents inconscients. Je vérifie la boîte d'ampoules de morphine. Il n'en reste plus que deux. Sur le carnet de rendez-vous, je te rappelle de passer en prendre à la pharmacie. Tu en utilises beaucoup de la morphine, et aussi de l'aspirine, des antidouleurs, des tranquillisants. La nuit, les gens souffrent, ou ils ont peur. Dans la journée, c'est différent. Quand j'ai commencé à travailler pour toi, je me suis fait un aide-mémoire des conseils à donner en cas d'urgence. Je ne voulais pas faire de bêtises. Les urgences, c'est de deux choses l'une. Ou bien la personne est morte quand le médecin arrive, ou bien elle n'est pas près de mourir et on a largement le temps de lui donner les premiers soins et de l'envoyer à Tourmente en ambulance. 17 kilomètres, ça n'est pas bien loin. J'étais surprise quand même. J'ai dit qu'il y avait parfois des appels pressants la nuit. Des gens qui tombent, des sutures à faire, des crises d'asthme. Oui, mais ce n'est pas plus urgent que dans la journée. Ce qui rend les choses urgentes, c'est l'angoisse, c'est la douleur, c'est la peur de mourir ou de voir mourir quelqu'un. La nuit, c'est pire. Les vraies urgences où il faut se dépêcher pour sauver les gens parce que le temps presse, ce sont surtout les accidents. Respirez profondément. Vous sentez quelque chose? Oui, je sens des ratés. Votre cœur est très irrégulier. Vous fumez toujours? Un peu. Combien? Un paquet. Et cette douleur, elle a duré combien de temps? Deux bonnes heures. Ça m'a pris en pleine nuit, je dormais. Je rêvais, mais je ne parviens pas à me rappeler de quoi. Puis je me suis réveillé parce que j'avais mal. J'ai rien dit à ma femme, je me suis levé, j'ai pris de l'aspirine, des cachets pour la douleur, hein, tout ce que j'avais sous la main, mais ça m'a pas calmé. J'avais très mal, comme si j'avais été pris dans un étau. Alors, c'est angoissant, mais pas pour n'appeler un médecin la nuit tout de même. Puis ça a disparu. Mais comme j'ai été essoufflé toute la journée, ma femme a absolument tenu à ce que je vienne vous voir. J'ai fini par céder, parce que ça fait 36 heures maintenant. Et j'ai du mal à me traîner. Je vais vous faire un électrocardiogramme. Ne bougez pas. Allongez-vous. Ça ne sert pas trop? Ça tient pas bien, tous ces poils. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez vous rhabiller. Je crois qu'il va falloir vous hospitaliser. Vous savez, ça devait bien finir par arriver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je le savais, c'est tout. À mon âge, c'est une chose qui peut arriver, n'est-ce pas? Oui, mais... Mais c'est grave. Je voudrais que vous vous rendiez à l'hôpital immédiatement. Je vais appeler une ambulance et je vais prévenir les urgences cardiologiques. N'en faites rien, docteur. Je n'irai pas. Mais comment? Bien sûr que si. On va vous faire des examens. On ne me sauvera pas. J'ai fait un infarctus grave, c'est ça? Vous avez fait ce qu'on appelle un infarctus circonférentiel. Tout le cœur est en train d'asphyxier. Si on ne vous hospitalise pas... Oui, j'ai lu un peu à ce sujet. Pour déboucher les artères du cœur, il faut administrer des produits quelques heures après la formation du caillot. Ma douleur a commencé avant-hier dans la nuit. C'est trop tard. Et c'est bien comme ça. Je vais rentrer chez moi. Quoi? Je vais rentrer chez moi et vous n'allez rien dire, rien faire. Je veux rentrer chez moi et mourir tranquillement. Je ne veux pas aller mourir à l'hôpital. Mais votre femme a peut-être son... Je lui dirai ce qu'il en est. Je l'ai prévenue il y a longtemps. Elle est croyante, elle pourra prier. Ça aurait été bien pire de la voir partir la première. Je ne comprends pas. Je sais, docteur, et j'en suis désolé. Combien vous dois-je? Non. Vraiment, non. Tu ne voulais pas que je te règle la consultation? J'ai dit que si tu m'obligeais à partir sans que je me sois acquitté, je n'aurais pas l'esprit tranquille. Tu es resté un long moment silencieux, et puis tes épaules se sont affaissées, tu as hoché la tête, et tu as rempli une feuille de sécurité sociale à mon nom. Je t'ai demandé le tracé de l'électrocardiogramme, je t'ai demandé d'écrire dessus ce que j'avais, et de me faire un papier disant que tu m'avais conseillé de me faire hospitaliser. Je ne veux pas qu'on puisse t'accuser de négligence. Mais je n'en parlerai pas à Thérèse. Je ne veux pas qu'elle vive dans l'angoisse en attendant que je meure. Je me sens soulagé. Presque heureux. Moi, malheureux, en tout cas. Toi, j'imagine que ça t'a fait un choc. Depuis 7 ans, je viens te voir 3 fois par an, auscultation, prise de sang, pesée, quelques mots sur la pluie et le beau temps. Je vous raccompagne. Pour finir par l'ordonnance pour l'unique médicament que je prends. Un client sans histoire. Une fin sans histoire. Ma femme et moi, nous avions un fils. Je l'ignorais. Oui, bien sûr, nous n'en parlons jamais. Qu'est-il arrivé? C'était un garçon très sensible. Quand j'allais à la chasse, il ne voulait jamais m'accompagner. Ça le faisait souffrir de me voir tuer un lapin ou une perdrix. Je me disais qu'il allait finir par s'aguerrir. Il était en terminale scientifique, il réussissait très bien. Mais ses professeurs disaient que c'était plutôt un littéraire. Il avait d'excellentes notes en philosophie. Un jour, il est rentré du lycée. Pour une fois, sa mère et moi n'étions pas là pour l'accueillir. Nous n'avons jamais compris ce qui s'est passé. Il a posé son cartable sur la table. Il a pris mon fusil accroché au mur. Il l'a chargé. Il est monté dans sa chambre. Je suis content de vous avoir vu aujourd'hui, docteur. Le jeune homme, je le soigne depuis longtemps. Il s'appelle José. Un jour, il est venu au cabinet médical avant tout le monde, à 9h30, pour passer le premier. Il avait cours, mais il n'était pas allé au lycée. Il voulait que je le dispense de sport pour l'année, mais il était incapable de me dire pourquoi. Et puis, à force de tourner autour du pot, il a fini par me dire qu'ils avaient piscine tout le trimestre et que c'était une vraie torture de se déshabiller et de prendre sa douche avec les autres, parce qu'il était probablement homosexuel. C'est ce qu'il ressentait, sans jamais être passé à l'acte. Et moi, j'étais bien embêté, je ne pouvais pas le dispenser de sport pour homosexualité. Alors j'ai fait le tour de tout ce qu'il avait comme petite misère, et puis j'ai fini par lui dire que j'allais le dispenser de piscine pendant un mois à cause d'une sinusite qu'il traînait depuis un petit moment, mais que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Évidemment, il n'était qu'à moitié satisfait. Je lui ai dit que si j'en faisais plus, ça risquait d'attirer l'attention, et que ça n'était peut-être pas ce qu'il voulait. Il devait imaginer que j'allais lui régler ça une fois pour toutes. Quand il est ressorti de la salle d'attente, il y avait là un autre de mes patients, M. Duhamel, professeur de maths au lycée. Ils se sont salués. Il lui a dit quelque chose comme « Tiens, José, ça n'a pas l'air d'aller fort. » Mon patient m'a expliqué ensuite que c'était un de ses élèves, qu'il le trouvait remarquablement intelligent, mais qu'il regrettait de le voir toujours si triste. Et en souriant, il a ajouté qu'il aurait bien fait quelque chose pour lui. Je ne les ai plus revus, ni l'un ni l'autre, pendant des mois. Jusqu'au jour où M. Duhamel est revenu me voir pour une bricole, un truc tellement bénin que je me demandais pourquoi il était venu me le montrer. Et puis, juste avant de partir, il m'a dit « Docteur, je voulais vous remercier ». Et il m'a expliqué que le jour où il avait croisé José au cabinet médical, il l'avait vu faire de l'autostop sur la route en repartant. Alors il s'était arrêté pour le prendre. C'était la première fois qu'ils se parlaient en dehors du lycée. Ce matin, ils sont venus me consulter tous les deux. Ça fait 5 ans qu'ils vivent ensemble. La première personne, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je ramasse mon cabas, je me lève, j'entre. Tu me suis, tu désignes les deux fauteuils placés devant le bureau. Je pose mon cabas par terre, je reste debout près d'un des deux fauteuils. Derrière moi, tu fais couler de l'eau, tu te savonnes les mains. Que puis-je faire pour vous, madame ? Je sais pas bien. Nous ne nous sommes jamais vus, je crois. Non. C'est la première fois que je viens. C'est ma cousine, madame Boulanger, qui m'a parlé de vous. Vous avez bien soigné son fils. C'est gentil, elle. Alors, je me suis décidée à venir vous voir. Remarquez bien que j'ai eu du mal. Hein. Je savais pas trop comment vous expliquer. Vous savez, j'aime pas trop aller chez le docteur. J'en ai jamais eu besoin, même pour mes grossesses. Enfin, bien sûr, pour les enfants, j'ai jamais hésité. Parce que nous, je veux dire, mes frères et sœurs, vu qu'on était 8, le père et la mère, ils appelaient pas souvent. Et j'ai une petite sœur qui est morte du rhumatisme articulaire aigu. Et parce qu'à ce temps-là, on dérangeait pas le docteur pour rien. Hein. C'était le docteur Molina à l'époque. Mmh. Il était seul sur tout le canton et il faisait ses visites à vélo. Alors, vous comprenez, le médecin, moi, j'ose pas trop le faire venir pour rien. Mais là... Oui. Là, ça fait trop longtemps que ça dure. Mon mari rouspète, alors j'ai décidé de venir vous trouver. Notez bien que j'ai eu du mal à vous voir parce que d'abord, je connaissais pas les horaires. Tantôt, je venais trop tôt, tantôt, je venais trop tard. Ou bien, il y avait beaucoup trop de monde avant moi. Alors, voilà, je suis venue parce qu'il fallait bien que je me décide un jour, vous comprenez, hein, ça peut plus durer. Oui. Voilà. Ça fait maintenant 6 mois que... Excusez-moi. Oh. Allô ? Allô ? Allô ? Qui êtes-vous, madame ? Oui, docteur. Allô ? Oui, docteur, ici le docteur Sachs, madame. Qu'est-ce qui vous arrive ? Calmez-vous, autrement je ne peux pas vous aider. Des convulsions et puis là, il s'est évanoui. En ce moment ? Où est-il ? Il est sur son lit ou par terre ? Il est sur le côté. Oui ? Sur le côté ? Oui. Vous avez bien fait, il ne risque plus rien. Bien, où habitez-vous ? Non, il ne risque rien. Ce sera terminé avant que j'arrive. Oui, tout de suite, mais dites-moi où ? Très bien, j'arrive. Je suis désolé, une urgence. Pouvez-vous attendre que je sois revenu ? Non, il faut que je rentre. Mais il faut pas vous tracasser, hein. Je rappellerai madame Leblanc. Elle me donnera un rendez-vous. Moi, je sais ce que c'est, hein, une urgence. Ça n'attend pas, hein. Moi, ça fait 6 mois que je dois venir, alors. Je peux bien attendre encore 3 jours. Merci. À tout à l'heure, alors. Merci, docteur. Ça paraît moins long quand on lit. Hein. Oui. Vous aussi, vous lisez ? Moi, ça me fatigue vite de lire. Ah. Mais ça ne me gêne point d'attendre, vu que le docteur prend toujours le temps de m'examiner et de m'ausculter comme il faut. C'est la première fois que vous venez ? Oui. C'est un bon docteur, le docteur Sachs. Ouais. Il est très doux avec les enfants. Et avec tout le monde, d'ailleurs. Maintenant, il a beaucoup de travail. Toujours bon docteur, patient et pas fier. Moi, ça fait longtemps qu'il me soigne et j'en suis bien satisfait. Bon, il plaît pas à tout le monde, mais c'est toujours comme ça. Il y en a même qui disent qu'il va s'en aller, mais comme j'entends dire ça depuis la première fois que je suis venu, j'y crois plus trop. C'est que du bavardage. Et j'en connais pas beaucoup qui s'excuseraient de partir comme ça pour une urgence. J'en connais beaucoup qui diraient d'aller à l'hôpital et puis c'est tout. Je trouve pas ça normal. Après tout ce qu'on a cotisé, les docteurs, ils gagnent bien leur vie. Ils pourraient au moins se déranger pour les urgences. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est devenu mon docteur. S'il s'était pas dérangé ce jour-là, je serais pas là à vous faire la causette. Parce que j'ai 30 ans, j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je veux mourir. C'était La maladie de Sachs, de Martin Winkler. Adaptation Pauline Timonier. 11e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sachs, et Julien Barret, Flora Brunier, Jean-Michel Mollet, Marc Barbet, Clotilde Morgiève, Hervé Colombel, Pauline Jambet. Parce que j'ai passé la cinquantaine, il serait temps. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Bruitage Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans, et je voudrais que ça continue. Musique originale Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation Claude Nior, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine. La maladie de Sachs est publiée aux éditions POL et au livre de poche.